Ces marquages-là sont ceux qui délimitent des emplacements pour stationner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il est possible d'y stationner. Mais pas dans ce sens de circulation. Ceci pour des raisons de sécurité. En effet, pour éviter des risques inutiles, surtout en repartant, je suis tenu d'aller faire demi-tour pour me garer à droite, mais dans l'autre sens de circulation. Il est plus sécurisant de repartir sans avoir à traverser la rue. Réponse B.